Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Bré-Reto. Markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 5. Quatrième douleur, rencontre de Jésus portant sa croix. Nous voici arrivés dans un monde nouveau depuis la dernière douleur, Bethléem et Nazareth restent en arrière. Nous avons dit adieu aux scènes de la sainte enfance, de l'adolescence et de la vie cachée. Le ministère des 3 années est passé. Il y a 21 ans découlés depuis les 3 jours d'absence. Le cœur immaculé de Marie a traversé depuis lors un monde de mystère, toujours dans une joie surnaturelle, mais toujours avec une douleur incessante dans son âme. Désormais nous resterons à Jérusalem qui est le théâtre des 4 dernières douleurs, comme elle l'a été aussi de 2 des 3 précédentes. Nous sommes arrivés au matin du vendredi saint, à la rencontre que fit Marie de Jésus portant sa croix, rencontre qui est comptée comme la 4e douleur. Mais pour comprendre ce mystère, il faut que nous jetions un regard en arrière sur les 20 années précédentes. Marie change continuellement quoique dans une seule et même direction. Sa vie est une ascension sans fin vers le ciel. Elle croit toujours en sainteté, parce qu'elle croit toujours en amour. Elle croit toujours en amour, parce que Jésus croit toujours en beauté. Ainsi chaque douleur la trouve tout à la fois moins et mieux préparée. Moins préparée parce qu'elle aimait Jésus davantage et que c'était en lui qu'elle souffrait, mieux préparée parce qu'une sainteté plus forte peut porter des croix plus lourdes. Nous avons vu auparavant combien les accroissements de l'amour de Marie depuis le retour de l'Égypte jusqu'à son entrée dans Jérusalem quand elle alla à la 12e Pâque de notre Seigneur, avait augmenté sa capacité pour la souffrance. Ainsi la merveille de sainteté que nous avons laissée dans la maison de Nazareth, avec Jésus retrouvé, est bien différente de celle que nous allons accompagner de cœur sur le chemin de la croix. Cette 4e douleur n'était pas en elle-même égale à la 3e, mais elle tomba sur une plus grande capacité de souffrance. La beauté du paradis terrestre que Dieu avait planté de ses propres mains, et où il venait, à l'heure de la brise du soir, converser avec ses créatures non déchues, n'était qu'une ombre bien faible de la beauté de la maison sainte durant les 10, 8 années de la vie cachée de notre Seigneur. Nous ne pouvons nous faire une idée de tous les mystères qui s'accomplirent dans ce cloître céleste. Les paroles y étaient rares, cependant durant 18 ans elles furent ce que, dans notre langage humain, nous appellerions innombrables. Le silence même y était une source de grâce. Il s'y trouvait des myriades d'actions admirables dont une seule avait une valeur si infinie qu'elle aurait pu racheter le monde. Durant ces 18 années un incommensurable univers glorifiait Dieu jour et nuit. Les magnifiques espaces célestes avec leurs lois majestueuses, les vastes orbes déserts avec leur travail intérieur de matière inorganique et leurs époques presque interminables de vie inanimée, la terre avec tous ses habitants, les adorateurs du vrai Dieu épars au milieu des ténèbres variées de ses diverses régions, l'élite des générations passées reposant dans le sein d'Abraham et dans les limbes des pères, les petits-enfants, la foule innombrable des esprits qui peuplent les différentes demeures au-dessous de la surface de la terre, les âmes en adoration au milieu des flammes du purgatoire, tout cela agissait de concert pour augmenter la gloire du Très-Haut. Le vaste monde des anges surtout, peuplant l'incommensurable étendue de l'espace rendant sans cesse aux dieux qu'ils contemplent clairement, avec les yeux de leur intelligence, un culte de la plus exquise perfection. Mais l'univers entier n'était rien auprès de la sainte demeure de Nazareth. Une heure de cette vie dépassait tout le reste dans la balance des siècles, et non seulement le dépassait en comparaison mais de tout l'infini. Le centre de toute la création spirituelle ou matérielle était là dans le village le plus écarté peut-être de l'obscure Galilée. Pourquoi ce centre était-il là? C'est qu'en toute chose, les centres de Dieu déjouent les calculs de la science des hommes. Dans un certain sens, Marie semblait être le centre de ce point central de toute la création. Car si Jésus était le centre pour Joseph, pour Marie et pour les troupes innombrables d'anges étonnés qui se trouvaient en adoration autour de lui, Marie semblait être le centre de Jésus, ce qui est bien plus grand encore. Jésus était venu pour racheter un monde entier, et ne s'était accordé que 33 ans pour cette œuvre gigantesque. 12 années avaient été données à Marie. Quelques bergers s'étaient prosternés devant Jésus, 3 rois orientaux avaient baisé ses pieds, Siméon l'avait tenu dans ses bras, Anne l'avait béni, des infidèles égyptiens s'étaient émerveillés à sa vue. Les habitants de Nazareth pensaient qu'il n'était pas un enfant ordinaire. À part cela, le monde ne savait rien de lui. C'était simplement un des nombreux enfants de la Galilée. Il s'était donné à Marie. Les 12 années s'écoulèrent et s'achevèrent dans le plus étrange mystère de douleur. Il semblait que ce fût pour Marie une sorte d'initiation dans quelque région élevée de sainteté sans nom. À compter de ce mystère commence une période de 18 années, durant lesquelles notre Seigneur paraît se dévouer exclusivement à Marie et à Joseph. Il est comme un maître des novices pour Marie, et la Sainte Mère fait comme un long noviciat à la suite duquel elle fera sa profession de foi sur le calvaire. Cette période de 18 années ne pouvait être une perte de temps. Elle ne pouvait être disproportionnée à l'œuvre du ministère public de Jésus, ni à la souffrance de sa passion. Elle était en harmonie avec sa sagesse, qui était infinie. De même que le ministère des 3 années fut le temps des Juifs, et la passion notre temps, les 18 années furent le temps de Marie. Ne serait-ce pas une tâche impossible à remplir que d'essayer un calcul approximatif de cette somme d'amour que ces années produisirent dans le cœur de Marie? La beauté spirituelle de l'âme humaine de Jésus, la contagion de son exemple céleste, l'attrait de toutes ses actions, l'efficacité de ses paroles surhumaines, la vue de son cœur sans voile, les visions de sa nature divine et de la personne du Verbe accordé de temps en temps étaient toutes autant de sources de grâce substantielle inondant à toute heure l'âme de Marie. Sans une assistance spéciale, elle n'aurait pu vivre dans un voisinage si rapproché de Jésus. Elle n'aurait pu survivre à cette opération plus qu'angélique de sanctification. Sa vie n'aurait pas pu continuer avec son amour. S'il y avait quelque chose qui ressemblât à un répit, si nous pouvons parler ainsi, dans l'essor de l'âme de Marie qui ne cessait de s'élever à une plus grande hauteur, c'était quand Jésus entourait Joseph de son amour et ornait de grâces nouvelles et incomparables cette âme, qui, par sa grandeur, surpassait déjà tous les saints. 18 années avec Dieu, sachant qu'il était Dieu, pendant 18 ans sans voir, entendre, toucher Jésus, être touché par lui, et gouverner le Créateur de l'univers. Serait-il possible au langage de dévoiler les mystères d'une telle époque? Quel est le plus imitable des attributs de Dieu, pour nous ses créatures? Chose étrange, c'est sa sainteté. Ainsi que notre Seigneur lui-même le déclare, nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Le résultat que ces 18 années produisirent dans l'âme de Marie fut donc la sainteté, et, par conséquent, l'amour. Mais par quelle voie, de quelle manière, par l'infusion de quel don ce résultat eut-il lieu? Et quelle en fut la rapidité, si prodigieuse que nul mortel ne peut s'en former une idée, si ce n'est Marie et Joseph, sur l'âme desquels Dieu demeurait, pour ainsi dire, comme en un lieu de repos? Si l'amour appartenait seulement aux anges et aux hommes, nous serions obligés de lui donner un autre nom lorsqu'il atteint à des hauteurs telles que celles jusqu'où il s'éleva en Marie. Mais Dieu lui-même est l'amour. Ainsi nous nous aimons à nous mouvoir dans un espace infini, et nous pouvons donner à la sainteté de Marie le nom d'amour, sans crainte d'enlever à cette sainteté rien de sa plus grande sublimité. Si notre sainte mère ne pouvait se séparer sans peine de Jésus à la porte de Jérusalem, il y a 18 ans, comment ce monde nouveau d'amour différent pour Jésus qu'elle possède dans son cœur lui permettra-t-il de se séparer maintenant de son Fils? Le seul sens dans lequel on doit entendre que chaque douleur de Marie dépasse celle qui l'a précédée, c'est qu'ayant plus d'amour à torturer, la dernière venue a un plus grand pouvoir pour faire souffrir. Elle a tant de pouvoir que la toute-puissance doit veiller sur notre sainte mère pour retenir la vie dans ce cœur précieux qui lui est plus cher que tout le reste du monde. Les 18 années finissent et les 3 années du ministère commencent. On ne sait pas jusqu'à quel point la Sainte Vierge se trouvait avec Jésus pendant son ministère public. Il est très probable qu'elle ne fût jamais longtemps séparée de lui. Mais l'Écriture ne nous donne aucun témoignage décisif sur ce point, et les saints contemplatifs diffèrent d'opinion. Il semble très vraisemblable que Marie ne se sépara pas réellement de Jésus. S'il fut permis à Marie de suivre Jésus pendant sa passion, nous pouvons difficilement supposer qu'elle fût jamais bien éloignée de lui durant son ministère. Il commença ses miracles, par suite de l'intercession de Marie, à Cana en Galilée, et quand, dans une occasion racontée par l'Évangile, elle vient le chercher, pour ainsi dire, avec les droits d'une mère, le sens du récit nous conduirait à supposer que, d'un côté, Marie n'était pas continuellement avec Jésus, et que, d'un autre côté, quoique ce ne fût pas pour elle une chose ordinaire d'aller le retrouver, il lui arrivait de le faire quelquefois. Nous ne saurions nous empêcher de supposer que Marie connut en toutes circonstances, soit en esprit, soit par les révélations des anges, ou par quelque canal humain, toutes les paroles et toutes les actions de Jésus, durant les 3 années de son ministère. On ne peut guère supposer que les paroles de son Fils soient notre propriété, qu'elles soient accessibles à chacun de nous, sans avoir été également le partage de Marie, et un moyen pour elle de grande sanctification. Pour Marie, le ministère des 3 années fut comme une nouvelle révélation de Jésus. Elle le vit sous plusieurs points de vue, sous lesquels elle ne l'avait jamais vu auparavant. Chaque modification qui se produisait en Jésus, quelque vulgaire qu'elle pût être en apparence, ne pouvait réellement l'être. Elle était pleine de merveilles de beauté et de grâce. C'était pour l'amour de Marie un nouvel aliment qui produisait aussi des changements dans l'amour qu'il faisait naître dans le cœur de la mère. Dans l'enfance de Jésus, elle l'avait vu, pour ainsi dire, dans une vie immobile, elle l'avait vu, de même que la fontaine laisse sourdre l'eau, produire des mystères célestes avec une passivité apparente, quoiqu'il ne les produisît pas à son insu. Dans l'adolescence, les merveilles de l'activité de Jésus s'étaient développées. Le cœur de Marie était de nouveau captivé par la grâce de son Fils, mais il était avec ceux qu'il connaissait, à qui il se confiait, et qu'il aimait d'une manière inexprimable. Il était à la fois le sujet et le souverain dans la sainte demeure. On peut dire qu'il y eut plus de différence entre le ministère de Jésus et sa vie cachée, qu'il n'y en avait eu entre celle-ci et son enfance. Jésus avait alors à agir dans le monde, à y être Dieu sans paraître cependant montré de singularité, à s'adapter à une foule de nouvelles positions et à s'adresser à des classes variées d'auditeurs. Ainsi, tantôt il mûrissait graduellement la vocation des apôtres, tantôt il maniait la multitude, ou bien encore il calmait les douleurs ou il réprimandait le péché. Tantôt il développait les Écritures et déroulait au petit nombre choisi les replis cachés de ses profondes paraboles. Tantôt avec une sagesse calme et facile, il éludait les pièges des ennemis qui essayaient de l'embarrasser dans ses discours. Chaque jour amenait ses changements, ses attitudes, ses positions, ses variétés. Chaque point de la nature humaine de Jésus se découvrait. Chaque jour se produisaient des grâces infinies. C'était comme 3 années d'une musique céleste dont les sons enchanteurs s'élevaient et s'affaiblissaient tour à tour, se changeaient et s'entremêlaient, cessaient et recommençaient, s'enroulaient et se déroulaient sans fin. C'était une combinaison indescriptible de douceur et de force, de sagesse et de simplicité, d'indulgence et de sainteté, d'humanité et de divinité. Il n'y avait pas et il ne pouvait y avoir un trait, un son, un geste, un regard dans la conduite du Créateur incarné qui ne fût en soi-même tout à la fois une révélation pour Marie, ainsi que pour les anges, dans un degré inférieur, et qui ne fût en même temps un abîme impossible à approfondir, que l'œil seul de leur auteur pouvait sonder. Ces années de la vie publique de Jésus furent plus belles que l'enfance, plus merveilleuses que la vie cachée. Les effets doivent en avoir été étonnants sur Marie. Nous ne nous formerons jamais de Marie une idée qui approche de la réalité, si nous ne donnons au ministère des 3 années la place qui lui est due dans l'œuvre progressive et prodigieuse de sa sanctification. Les périodes de cette sanctification furent plus merveilleuses que les jours de la création, et sont marquées aussi distinctement. L'Immaculée Conception, avec ses 15 années de mérite croissant, en fut le premier jour. L'incarnation avec les 12 années de l'enfance occupèrent le second. Les 3 jours d'absence, avec les 18 années de la vie cachée, remplir le 3e. Les 3 années du ministère occupèrent le 4e. La passion fut le 5e. Les 40 jours de la vie ressuscitée, avec la descente du Saint-Esprit, remplir le 6e. Puis, vient le 7e, le sabbat de notre Seigneur, après qu'il fut monté au ciel, et qu'il se fut assis à la droite de son Père, laissant, pendant 15 années, le vaste monde de la sainteté de Marie continuait à se mouvoir, de même que le monde matériel, avec le secours de son intervention permanente, de sa providence vigilante et de sa présence réelle, mais sans que ses mains travaillassent à cette œuvre, comme elles le faisaient auparavant. Puis, vient le terme de la sanctification de Marie, sa mort glorieuse, la 12 sentences prononcées en sa faveur, son heureuse résurrection et le second avènement de Jésus, avec ses anges, pour recevoir Marie dans les cieux. Nous ne pourrons jamais apprécier les grâces de notre Mère bien-aimée, si nous séparons et disjoignons les 7 jours de sa jeunesse spirituelle. Nous devons donc considérer le ministère des 3 années comme un temps tout à fait particulier, durant lequel, sous l'influence des adorables changements de Jésus, l'amour de Marie allait croissant, comme il ne l'avait peut-être jamais fait auparavant. Il semble qu'on s'éloigne de la réalité, quand on parle d'une nouvelle largeur, d'une nouvelle profondeur et d'une nouvelle hauteur à l'égard de ce qui dépassait, depuis longtemps, toute mesure, même angélique. Depuis des années, l'amour de Marie s'était élevé si près de Dieu, que les limites et les proportions de cet amour sont rendues confuses à nos faibles yeux par la splendeur éblouissante de la proximité du Très-Haut. Néanmoins, nous devons continuer à nous servir du même langage, bien que nous connaissions à peine les choses dont nous voulons parler. Marie arriva à Béthanie, le jeudi de la semaine sainte, aimant Jésus d'un amour qui surpassait de beaucoup les trésors de tendresse que les 18 années de la vie cachée avaient amassés dans son cœur. Saint Joseph était mort, et, quoique l'amour de Marie pour lui, tout ardent qu'il était, ne fut pas une diversion à son amour pour Jésus, mais qu'il en fut plutôt une variété et un surcroît. Cependant, cette mort eut en quelque sorte sur elle une influence semblable à celle qu'exerçaient tous les changements, c'est-à-dire que son amour pour notre Seigneur s'en accrut. Les apôtres avaient pris la place de Joseph. Marie connaissait tous les desseins secrets de grâce que notre Seigneur avait sur chacun d'eux. Elle voyait parfaitement comment il agissait avec eux dans la variété de leur vocation, de leurs dons, et de leur caractère. C'était un modèle pour elle, qui devait être un jour la reine des apôtres. Son amour pour eux multipliait aussi d'une certaine façon son amour pour Jésus. Dans cette période de la vie de Marie, comme dans les autres, chaque action que faisait Jésus était une nouvelle source d'amour pour le cœur maternel. Ses discours, ses paroles, son enseignement secret, ses austérités, ses prières, ses larmes, ses miracles, ses voyages, ses fatigues, sa faim, sa soif, les contradictions qu'il avait à essuyer, chacune de ces choses était un inépuisable abîme d'amour. Il en fut ainsi jusqu'à la veille de la Passion. Cet accroissement incalculable d'amour était, d'après notre point de vue, une faculté de souffrir accrue dans la même proportion. Ainsi, la fin du ministère arrive, et les facultés du cœur de Marie sont plus merveilleuses que jamais. On pourrait croire que nous nous sommes écartés de la douleur qui est devant nous, mais, en réalité, il n'en est pas ainsi. Les sept douleurs ne sont pas sept mystères séparés, et nous ne pourrions les comprendre, si nous les considérions ainsi. Elles ont une unité qui leur est propre, et si, en les séparant, nous détruisons cette unité, leur signification nous échappe. Elles comprennent les 33 années tout entières. Chacune de ces douleurs dépend, pour sa vérité, sa profondeur, son intensité, son caractère particulier, d'une portion inséparable de 16 années. La beauté de Jésus s'accroît. La grâce s'élève proportionnellement dans l'âme de Marie. L'accroissement de la grâce y est celui de l'amour. La grâce y atteint un certain point connu de Dieu, fixé par lui, où elle est capable de porter un certain poids, de supporter une somme donnée de douleur qui s'élève et la sanctifie. Et, à ce point, comme par l'opération d'une loi, une des douleurs arrive et saisit la grâce et l'amour des temps précédents. Année de la Sainte Enfance ou jour dévorant de la Passion, elle condense cette grâce et cet amour en une sainteté plus solide et plus sublime que jamais. Elle s'envole, emportant l'âme de la Sainte Mère, avec une force semblable à celle de tous les anges, et elle la place sur quelque nouvelle hauteur bien loin de celle où elle était auparavant. Ainsi, chaque douleur est pour Marie une sanctification distincte, un renouvellement, une transfiguration, un autre degré d'union divine. Puis le procédé recommence. La grâce et l'amour s'accumulent encore une fois avec une accélération et une grandeur proportionnées à la nouvelle hauteur où se trouvait Marie, jusqu'à ce qu'une fois encore dans les conseils de Dieu, ils atteignent le point où une autre douleur vient accomplir son œuvre magnifique. Ainsi, nous avons aussi deux principes de comparaison par lesquels nous pouvons mettre en contraste les douleurs l'une avec l'autre. D'abord, elles diffèrent en elles-mêmes. Chacune d'elles a son excès particulier, comme les souffrances de notre Seigneur dans la Passion. Et ainsi, chacune d'elles a sa propre perfection et sa propre prééminence. Elles sont toutes également parfaites, mais c'est d'une perfection différente et appropriée à chacune d'elles. La nature d'excès dans l'une peut causer une plus grande souffrance que la nature d'excès d'une autre. C'est ainsi que nous appelons la troisième douleur, la plus grande. Dans ce sens, les douleurs ne s'élèvent pas par degrés, comme les assises d'une pyramide se surpassent graduellement en devenant de plus en plus aiguës. Mais, il y a un second sens dans lequel elles le font. Chaque douleur, quand elle arrive, tombe sur un plus grand amour, et aussi sur un amour qui a souffert davantage, et par conséquent, sur une plus grande capacité pour la souffrance. De cette manière, chaque douleur est pire que celle qui la précède, et elle renferme successivement, à un plus haut degré, le terrible pouvoir de causer des angoisses jusqu'à la fin, jusqu'à la sépulture de Jésus, jusqu'à ce que la possibilité des maux semble être épuisée, jusqu'à ce que les abîmes de la douleur sanctifiante contenue dans le monde immense de l'incarnation aient été desséchées par l'absorption du seul cœur immaculé de la mère du Verbe incarné. Voilà l'unité des douleurs de Marie. Et chaque douleur signifie réellement, non ce qu'elle paraît être par elle-même, mais ce qu'elle est dans la situation et l'ordre des 33 années. On peut dire que la Passion commence le jeudi de la semaine sainte dans la maison de Lazare, à Béthanie. Marie, comme on pouvait s'y attendre, ouvrit la longue série de douleurs, époque grande en elle-même, quoique courte en durée. Jésus-Christ était entré dans Jérusalem le dimanche des Rameaux, dans la modestie de son triomphe bien connu. Il avait passé ce jour en enseignant dans le temple, aussi bien que le lundi et le mardi suivant. Mais il retournait à Béthanie tous les soirs, personne à Jérusalem n'ayant le courage de lui offrir l'hospitalité. Parce que ceux qui gouvernaient étaient irrités contre lui à cause de la récente résurrection de Lazare, et que pas un de ceux qui avaient crié « Hosanna » le dimanche n'osait se mettre personnellement en avant, de peur de s'attirer par là l'attention et le ressentiment du prince des prêtres. On suppose que Jésus passa le mercredi en prière sur le mont des Oliviers, et qu'il vit les élus de tous les âges du monde défiler devant lui en longue procession, tandis qu'il priait en particulier pour chacun d'eux. Pendant ce temps, Judas préparait sa trahison, de concert avec les chefs du peuple. On suppose aussi que notre adorable Sauveur passa dehors la nuit du mercredi en prière dans les retraites de la Sainte Colline. Le jeudi matin, il se rendit à Béthanie pour dire adieu à sa mère et pour obtenir son consentement à la Passion, comme il l'avait fait autrefois pour l'Incarnation. Non que ce consentement fût nécessaire dans le premier cas, comme il l'avait été dans le dernier, mais il convenait à la perfection de son obéissance filiale. La sœur Marie d'Agreda décrit dans ses révélations cette scène attendrissante. Jésus s'agenouilla devant sa mère en lui demandant sa bénédiction. Marie, refusant de bénir son Dieu, tomba à genoux en l'adorant comme son Créateur. Jésus insista. Tous deux restèrent à genoux, et enfin la mère bénit son fils, et le fils bénit sa mère. Qui pourrait douter que Jésus n'enrichit aussi d'une bénédiction spéciale sa Madeleine bien-aimée, la première et la plus favorisée de toutes les filles de Marie. Il retourna ensuite à Jérusalem, où sa mère le suivit, accompagnée de Madeleine, afin de pouvoir participer au divin sacrement. Cette nuit-là a eu lieu la dernière scène, la première messe, le premier sacrifice non sanglant de notre Seigneur, qui devait être suivi le lendemain par le terrible sacrifice du sang. Par une grâce miraculeuse, Marie assista en esprit à l'agonie de Jésus dans le jardin. Elle vit le cœur de notre Seigneur entièrement dévoilé à ses yeux et ressentit en elle-même, selon sa propre mesure, une agonie semblable. Elle voit la trahison de Judas consommée, malgré ses ardentes prières pour cette âme malheureuse. Puis le rideau tombe, la vision s'obscurcit, elle reste pendant quelque temps dans l'angoisse de l'incertitude. Avec la courageuse et douce Madeleine, elle s'avance à travers les rues. Elle essaie d'entrer dans les deux maisons d'Anne et de Caïphe, mais elle est repoussée comme elle l'avait été à Bethléem 33 ans auparavant. Elle entend la voix de Jésus, elle entend aussi le bruit des coups qu'on donne à son fils bien-aimé. Jésus est mis en prison pour la nuit. Saint Jean paraît et conduit notre Sainte Mère dans la maison où la dernière scène a eu lieu. Elle est présente à toutes les horreurs de la matinée suivante. Elle entend le bruit de la flagellation. Elle voit Jésus attaché à la colonne et ceux qui l'entourent arrosés de son sang. Elle entend les doux gémissements, les bêlements presque imperceptibles de l'agneau sans tache. Elle les entend, et le Tout-Puissant lui ordonne de continuer de vivre. Elle a vu en esprit, si ce n'est corporellement, les gardes d'Hérode se moquer de l'Éternel. Elle a vu les scélérats célébrer, dans la salle des gardes, le douloureux couronnement du roi Tout-Puissant. Elle a vu les yeux de celui qui voit tout couvert d'un bandeau, et le rebut du peuple pliant dérisoirement le genou devant celui qui doit un jour prononcer le jugement suprême. Elle a élevé les yeux vers les degrés de la salle de Pilate, et elle contemple, toujours beau, quoique défiguré, son fils, ressemblant plutôt à un ver qu'à un homme, tant il avait été foulé aux pieds et mutilé, tant les bourreaux avaient détruit la forme humaine par leurs atrocités. Elle entendit dire à Pilate, « Voilà l'homme, et en vérité il était nécessaire d'attester que Jésus était homme, lui qui, s'il eût été seulement un homme, n'aurait pu survivre après avoir été comme écrasé sous la triple pression que son père, les démons et les hommes lui avaient infligé puis s'élever sur la place, encombré d'une immense multitude. » Ce cri sauvage de réprobation blasphématoire proféré par le propre peuple de Jésus. Ce cri résonne encore à nos oreilles, il retentit encore dans l'histoire, et même dans le paisible séjour du ciel, il frappe encore l'oreille de la mère, qui l'entendit alors dans toute la sauvage horreur de sa réalité. C'est après cela que Madeleine conduit Marie à sa demeure, où Jean doit aller porter la nouvelle de la sentence quand elle sera prononcée. Nous paraissons dire ces choses tranquillement, presque froidement hélas, il est inutile de dire beaucoup de paroles. D'ailleurs, quelles pourraient être ces paroles? Pour le cœur de Marie, pour sa sainteté, pour sa douleur, chaque minute de ces heures fut plus longue que des gerbes de siècles attachées ensemble dans quelques révolutions séculaires du système du monde. Chaque mystère sépare chaque coup de la flagellation, chaque fragment d'action ou de souffrance que nous pouvons détacher de la masse était d'une valeur, d'une importance, d'une étendue, d'une réalité plus grande, et bien plus grande que si, à chaque moment, un nouvel univers eût été tiré du néant avec ses millions de millions d'étoiles, et eût été peuplé d'êtres mille fois plus beaux que les anges. C'est comme si le cours de toute la nature et le temps eussent été accélérés, et que toutes choses eussent été poussées avec la rapidité de la pensée vers le but indiqué par Dieu. Une terreur étrange s'empare d'un enfant à la vue d'une machine gigantesque et inconnue, ainsi nous frappe la vue de la sainteté de la Sainte Vierge, alors que cette sainteté, comme un globe colossal animé d'une effrayante rapidité, s'ouvre un chemin à travers les ténèbres, les blasphèmes et le sang. Son âme pouvait-elle être encore la même que celle qui avait quitté Bethany la veille après-midi seulement? Le saint dans le rayonnement de sa gloire, et le malade au pâle visage qui se plaint sur son lit de mort, ne sont pas plus différents que la mère d'hier ne diffère de celle d'aujourd'hui, quoiqu'elle soit certainement la même. Elle vient d'atteindre le point de sa quatrième douleur. Elle est maintenant prête à rencontrer Jésus portant sa croix. Enfin, Saint Jean retourne à la maison avec la nouvelle de la sentence et d'autres renseignements. Notre mère bien-aimée a le cœur brisé, et cependant, toujours calme et comme rayonnante d'une lumière divine, elle se prépare à sortir avec Madeleine et l'apôtre. Et celui-ci, qui connaît les divers chemins, conduit Marie à l'extrémité d'une rue où elle pourra rencontrer Jésus sur la route du calvaire. Mais a-t-elle assez de force pour une telle rencontre? Non, par elle-même, mais elle a autant de force pour rencontrer Jésus qu'il en a pour poursuivre sa route, car Marie a Jésus en elle, elle possède en elle les espèces non consommées de la Sainte Eucharistie. C'est seulement avec Jésus que nous pouvons rencontrer Jésus. Il en était de même pour elle. Nous le prenons comme un viatique, puis nous allons le trouver comme notre juge. Marie reçut aussi Jésus comme un viatique, mais dans un sens particulier, et elle alla à sa rencontre quand il était condamné sur le chemin de la mort. Ce fut ce sacrement non consommé qui la soutint pendant ce brisement de cœur surhumain qui devait durer encore 12 ou 15 heures. Si cette merveilleuse conjecture, que nous ne croyons pas, était vraie, savoir que ce fut au moment où les espèces de l'auguste sacrement furent consommées en lui que notre Seigneur s'écria « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Nous pourrions estimer la force que cet adorable sacrement fournit à la Sainte Vierge. Toutes les rues sont remplies d'une foule dont le flot se dirige vers le calvaire. Au coin des rues, des héros sonnent de la trompette et proclament la sentence devant le peuple attroupé. Marie s'enveloppe de son voile, Jean et Madeleine appuient leur cœur brisé sur le sien, car ils sont défaillants et malades. Quel voyage pour une mère! Elle remarque à peine les rues, mais leurs ombres jettent dans son âme l'obscure réminiscence de la Pâque qui avait eu lieu 21 ans auparavant, et les 3 jours cruels qui l'avaient suivi. Elle a pris sa place, silencieuse et calme. Elle ne tremble même pas. Quelques larmes coulent comme d'elle-même, de ses yeux, mais ses joues ne sont-elles pas rouges? Oui, car ces larmes sont des larmes de sang. Le cortège paraît, le haut cheval du centurion ouvre la marche et montre le chemin. La trompette fait entendre des sons plaintifs. Les femmes regardent à travers le treillis des fenêtres. Marie voit tout, les 2 larrons, les croix, et cependant elle ne voit qu'un seul objet, Jésus. Quand il s'approche, la paix devient plus profonde dans son cœur, il n'en pouvait être autrement, Dieu s'approchait et la paix marchait devant lui. Jamais amour maternel ne s'est assis sur un trône pareil à celui du cœur de Marie. Son angoisse était inexprimable. Dieu seul, qui connaît le nombre des grains de sable de la mer, la connaît. Voici que Jésus est arrivé près de Marie, il s'arrête un instant, il lève la seule main qu'il a de libre, et essuie le sang de ses yeux. Est-ce pour voir Marie? C'est plutôt pour qu'elle puisse le voir, pour qu'elle puisse voir son regard rempli de tristesse et d'amour. Elle s'approche pour l'embrasser. Les soldats la repoussent rudement. Oh, douleur! Elle est pourtant sa mère. Ainsi repoussée, elle chancelle un moment, puis elle redevient calme. Elle fixe ses regards sur Jésus, et Jésus regarde aussi Marie. Oh, chaîne divine! Oh, embrassement sacré! Oh, torrent d'amour! Oh, débordement de douleur! A-t-il donc moins de force qu'elle? Voyez, il chancelle, accablé sous la charge de sa pesante croix, et tombe. On entend le bruit sourd et lugubre de sa chute, comme le bruit que fait un arbre en tombant. Marie le voit. Le Dieu du ciel et de la terre est gisant dans la poussière. Des hommes s'approchent, semblables à des bouchers qui entourent une bête qui vient de s'abattre, ils le frappent du pied, et le battent en proférant d'horribles blasphèmes contre lui, et ils le relèvent avec une férocité cruelle. C'est la troisième chute de Jésus. Marie le voit. Voilà ce cher fils qu'elle portait dans ses bras à Bethléem. Mais elle ne peut rien pour lui. Elle ne peut s'approcher davantage. La toute-puissance retient avec force le cœur de Marie. Dans une paix bien au-dessus de l'intelligence de l'homme, Marie suit lentement son fils vers le calvaire. Madeleine et Jean, égarés par la douleur, suivent aussi. Il semble qu'une grâce de force émane pour eux du manteau bleu de la Sainte Vierge et leur donne le courage de vivre avec des cœurs brisés. La quatrième douleur est accomplie, mais, hélas, nous ne voyons que l'extérieur des choses. Quoique cette douleur semble n'être qu'un degré dans la passion, elle a néanmoins des caractères fortement marqués. Le fait seul que cette douleur ait été choisie par l'Église comme une des sept douleurs de Marie, implique qu'elle a une signification propre et spéciale. Pour Notre-Dame, c'était l'arrivée actuelle d'un mal longtemps redouté. C'était l'accomplissement d'une vision qui avait été devant ses yeux pendant des années, durant le sommeil et durant la veille. C'est la première de ces douleurs qui se sépare des mystères de la Sainte Enfance et qui appartient à la seconde constellation des afflictions de Marie, celle de la Passion. Il y a une souffrance particulière dans l'arrivée d'une infortune que nous attendions depuis longtemps. Il semble qu'on n'y soit plus préparé, parce qu'on l'est depuis trop longtemps. Nous avons tout imaginé d'avance. Nous avons disposé les circonstances qui accompagnent la douleur, dans l'ordre et la position qui nous conviennent. Nous avons songé maintes et maintes fois à ce que nous penserions, à ce que nous dirions, à ce que nous ferions. Nous avons pour ainsi dire étudié l'attitude dans laquelle nous avions l'intention de recevoir le coup. Nous n'avons rien oublié, nous avons pourvu à tout. Nous avons pris notre parti. L'affliction que nous attendons est devant nous comme un tableau, et quoique nous ayons déjà bien souffert dans cette attente, l'habitude a presque émoussé le dard de notre douleur avant qu'elle arrive. Mais elle vient, à cruel caprice du mal, il n'a pas observé une seule de toutes nos règles. La douleur n'est pas venue par le vrai chemin, ni au vrai moment, ni avec l'arme véritable, elle ne nous a pas frappés à la vraie place, et elle n'a aucune ressemblance, pas l'ombre d'un air de famille avec le roman d'infortune auquel nous nous étions préparés. Elle nous a pris à l'improviste. Elle nous a déconcertés entièrement, et nous nous sentons au moins autant maltraités par cela même que par le mal que nous attendions. D'ailleurs, la tension de l'esprit et du corps que nous nous sommes donnés afin de pouvoir supporter la souffrance, nous rend particulièrement sensibles à la peine et nous reconnaissons que nous n'avons pas, pour la supporter, la moitié de ce courage héroïque que nous avions résolu de montrer. Il y a beaucoup d'hommes qui affrontent courageusement le châtiment ou la mort quand ils viennent à leur indiquer. Mais s'ils sont différés, les forces de l'âme, qui se sont comme concentrées pour l'heure fatale, tombent, se dispersent et souvent s'amollissent d'une manière extraordinaire et cependant, comme un poète l'a dit avec raison, pour nous simples mortels, toutes choses sont moins terribles qu'elles ne le paraissent, au lieu que, dans ce qui concerne les douleurs de la Sainte Vierge, la réalité dépasse de beaucoup l'attente la plus terrible. En effet, la réalité lui apporta, jusqu'à la dernière, les peines cruelles qu'elle avait prévues, et, comme marque de leur présence, elle en émena encore un grand nombre d'autres auxquelles son âme n'avait pu se préparer même avec la prévision si claire qu'elle possédait. La douleur qui avait régné au-dessus de toutes ces autres douleurs pendant 33 ans, venait enfin de se présenter à elle dans les rues de Jérusalem. Cette douleur venait pour accomplir l'œuvre de Dieu, et elle l'accomplit, comme les instruments de Dieu le font toujours, d'une manière surabondante. Il y a une grande différence, même dans la Sainte Vierge, entre la vue actuelle et la prévision, entre la réalité et l'imagination. Il existe dans la réalité une force, une vivacité qu'on ne saurait prévoir. Il y a l'imprévu de l'ordre dans lequel les circonstances sont groupées. Le moment précis de l'affliction, son action même encore éloignée de l'âme, rendent la pression de la douleur moins poignante que lorsqu'aucun intervalle ne la sépare plus de nous. En outre, il y a dans le contact actuel de l'infortune une vie, une manifestation, une individualité qui appartient à chaque infortune par elle-même, qui en est inséparable, et qui n'est partagée par aucune autre douleur, quelle qu'elle soit. C'est ce qu'on peut appeler la personnalité de la douleur. Hélas, nous la connaissons tous, chacun dans notre mesure. Bien des fois elle nous a réduits à l'extrémité, c'est toujours la partie insupportable de ce que nous avons à supporter. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu longtemps pour être capable de savoir par expérience qu'il n'y a pas d'identité dans la douleur, il n'y a que des ressemblances. Nous n'avons jamais eu de chagrin semblable. Chacun d'eux avait son caractère propre. Et c'est par ce caractère qu'il nous blessait le plus. Il en était ainsi pour notre tendre mère. Ses douleurs étaient déjà dans son esprit même avant leur arrivée, et elles lui étaient pénibles à supporter. Mais quand elles vinrent à la vie, qu'elles jaillirent de son âme, et qu'avec le glaive de Siméon elles lui fendirent le cœur, ses douleurs se montrèrent bien différentes, aussi différente que la veille et du sommeil, ou la vie de la mort. Une autre aggravation de l'affliction de Marie dans sa quatrième douleur était due à la connaissance que sa vue augmentait les souffrances de notre Seigneur. Dans la douleur précédente, Jésus avait été, pour ainsi dire, l'exécuteur, maintenant, c'était elle qui était le sien. De ces deux mots, quel était le plus pénible à supporter? Y a-t-il une mère tendre qui n'aime ni mieux être affligée par son fils que de l'affliger elle-même? Quel doit donc avoir été ce sentiment dans Marie qui surpassait toutes les tendresses maternelles par la tendresse et le dévouement de son profond amour? Qu'a-t-il dû être pour celle dont le fils était Dieu? Chaque outrage qui avait été fait à Jésus, chaque coup de fouet qui était tombé sur sa chair sacrée, avait été pour Marie une torture au-delà de toute comparaison. Elle avait été pénétrée d'horreur à la pensée de la cruauté et du sacrilège dont tout, prêtre, juge, soldat, bourreau, peuple, s'était rendu coupable en prenant part à ces atrocités. Et voilà qu'elle-même faisait partie de leur nombre. Elle ajoutait au fardeau de Jésus. Elle faisait plus que doubler le poids de la lourde croix qu'il portait. La vue du visage de Marie avait été pour Jésus mille fois plus cruelle que la terrible flagellation de la colonne. C'était la vue de sa mère qui l'avait jeté par terre une troisième fois. Quel nom donner à une douleur semblable? Elle ne pourrait être que déshonorée par les comparaisons que nous fourniraient les annales de la douleur humaine. Quelques personnes ont parlé de la rencontre de Thomas More et de sa fille dans les rues de Londres. Mais que résulte-t-il de cette allusion? On ôte toute sa beauté et son pathétique à cette scène touchante de l'histoire d'Angleterre, sans atteindre au niveau de la douleur dont nous parlons, ou en n'y atteignant que pour la dégrader. C'était là une des douleurs nécessaires auxquelles Marie devait être soumise. Elle devait contribuer à aggraver les souffrances de son fils, et de toutes les peines qu'endura Jésus, la plus cruelle fut celle qui lui vint de sa mère. Cette quatrième douleur était le premier exercice de ce terrible office, si nouveau pour elle, car elle n'avait jamais auparavant causé de peine à Jésus. Mais telle était la volonté de Dieu, cette volonté qui est toujours douce dans sa plus extrême rigueur, toujours aimable quand même la chair, le sang et l'esprit reculent épouvantés pour échapper à l'embrassement dont elle les entoure. C'était cette volonté qui conduisait le cortège au calvaire, cette volonté qui restait sur le calvaire comme un nuage lumineux, cette volonté qui était comme une autre couronne d'épines autour de la tête de Jésus, une croix sur ses épaules, un glaive dans le cœur de sa mère, et qui faisait du cœur de la mère un glaive enfoncé dans celui du Fils. Jamais saint utile à se soumettre à une volonté divine semblable à celle qui s'imposait à Marie. Jamais saint montra-t-il une telle soumission à la volonté divine qui se présentait à lui. Marie monte au calvaire, avec un calme courageux, pour aider à égorger son cher fils de Bethléem. Il y avait aussi dans cette quatrième douleur un chagrin qui était nouveau pour Marie, et qui lui faisait éprouver à un degré incomparable la souffrance aiguë que la vue du sacrilège cause aux saints. Elle voyait Jésus dans les mains des autres, qui pouvaient le toucher et s'approcher de lui, tandis qu'elle en était éloignée. Combien elle désirait essuyer avec son voile le sang qui était sur le visage de son fils, partager sa chevelure en désordre, éloigner doucement cette cruelle couronne, soulever la croix de dessus ses épaules, et voir si son propre cœur brisé ne lui donnerait pas assez de force pour porter ce fardeau en la place de Jésus. Oh, il y avait des services sans nombre pour lesquels cette chère victime de nos péchés avait besoin de la main d'une mère. Et songez à la plénitude des droits que Marie avait sur Jésus, plus qu'aucune mère n'en avait eu sur son fils depuis le commencement du monde. Jésus lui-même les avait reconnus. Il les lui avait fait revendiquer ouvertement dans le temple. Mais ces hommes ne connaissaient pas plus la mère de Dieu, que ne la connaissent les hérétiques. D'ailleurs, ceux qui avaient foulé son fils aux pieds n'auraient guère tenu compte des droits de Marie. Dans les jours de Bethléem et de l'Égypte, la joie de Marie avait été de toucher Jésus, lorsqu'elle s'acquittait de son office maternel. Son amour pour lui était devenu si grand, qu'il ne pouvait s'exprimer que par une vénération craintive, et c'était le contact du corps sacré de Jésus, qui pénétrait l'âme de Marie comme d'un frisson de vénération. Des saints ont tressailli de joie à l'autel en tenant le Saint-Sacrement dans leurs mains, au point de s'élever dans l'air et de se balancer comme une branche d'arbre pendant l'été, dans les palpitations de leur extase. Par quel nombre faudrait-il multiplier cette joie pour la rendre égale à celle de Marie? Si elle n'enviait pas à Joseph les embrasements de son enfant, c'est qu'elle aimait Joseph de toute la sainte ardeur de l'affection conjugale, et qu'elle satisfaisait encore son propre amour en laissant son époux jouir à son tour des caresses de Jésus. Pour Marie, cette joie avait été toujours nouvelle, et jamais l'habitude ne l'avait affaiblie. Sa vénération ne faisait au contraire que s'accroître. Le souvenir de ces heureux moments se présentait alors à l'esprit de Marie, et les vagues de la douleur battaient contre son cœur, comme si elles allaient l'emporter. Elle avait vu les hideuses mains du bourreau saisir la tête et les épaules de Jésus. Elle avait vu le pied poudreux du soldat, coupable, frapper la chair meurtrie de Jésus. Elle avait vu secouer brutalement le bouet de la croix contre la tête sacrée de son fils, et enfoncer encore plus avant dans sa tête la pointe des épines. Sainte Catherine de Gênes eut besoin d'être soutenue par Dieu lui-même, pour ne pas mourir, lorsqu'il lui montra en vision la malice réelle d'un seul péché véniel. Qu'eût-ce été, si de ses yeux ainsi éclairés spirituellement, elle vut la malice qui ose fouler aux pieds le Saint-Sacrement dans les égouts des rues? L'amour de tout un pays chrétien se soulève d'une commune émotion pour réparer ces horribles sacrilèges. Ceux qui n'ont été que trop indifférents à leurs propres péchés se mortifient alors par le jeûne et se refusent quelques douceurs pour multiplier leurs aumônes. C'est là l'impulsion d'une foi loyale et de l'amour qui vit toujours en réalité au fond du cœur de tous les croyants, malgré toutes les apparences contraires. À dire vrai, le sentiment que fait naître en nous la vue du sacrilège ressemble à une souffrance corporelle. Il semble alors que nous ayons été nous-mêmes cruellement maltraités. Des hommes pieux, tant parmi les religieux que parmi les séculiers, ont offert leur vie en réparation d'un sacrilège, et se sont réjouis lorsque Dieu daigna en accepter l'offrande. Mourir pour le Saint-Sacrement, ce serait là une fin douce et glorieuse, et plus douce que glorieuse, à cause de la satisfaction qu'elle causerait à notre amour. Mais le sacrilège qui se commettait ce jour-là dans les rues de Jérusalem. La douleur de Marie est réellement inimaginable. Elle eût voulu souffrir 1000 morts pour réparer ce sacrilège, mais, hélas, mère chérie, il faut que vous viviez, ce qui est pour vous une condition pire que la mort, et il faut que votre vie soit votre réparation. Tous les maux que d'autres trouvent dans la mort, vous les trouverez dans la vie, avec bien d'autres encore. Pour vous, ce serait une joie aussi grande que l'affliction de vos 7 douleurs réunies, si vous pouviez ne plus vivre après 3 heures de l'après-midi de ce vendredi. Mais entre vous et la mort, il y a une barrière, il y a la toute-puissance de Dieu. Il faut donc que vous vous contentiez de votre sort, comme vous l'avez toujours fait, que vous portiez envie aux larrons convertis, et que par amour pour nous vous consentiez à vivre. Un retour de l'une des plus cruelles souffrances de la fuite en Égypte, se trouvait à un degré plus élevé qu'alors, dans la 4e douleur de Marie. C'était la terreur. Nous nous figurons toujours Marie comme très rapprochée de Dieu, quoique cependant infiniment éloignée de lui, comme le doit être la créature qui est le plus près de la divinité. Cette habitude que nous avons est bonne, parce qu'elle est dans la vérité, mais nous ne devons pas oublier que le cœur de Marie avait la tendresse de la femme au plus haut degré. Et représentons-nous ces milliers de figures barbares qu'elle voyait dans les rues de Jérusalem, remplies d'une foule immense, les bêtes sauvages du désert eussent été moins effroyables. Une multitude où les femmes mêmes, et peut-être des enfants, avaient une soif de sang portée jusqu'au délire, et poussant des cris tels qu'une populace en démence peut se l'en faire entendre. Leur voix était les hurlements mêmes des enfers, un mélange des sons les plus épouvantables, un assemblage de rage et de haine, de passions homicides, de blasphèmes, d'imprécations et d'un feu terrible qui torturait ces cœurs enflammés des plus féroces passions. Le spectacle qui se présentait aux yeux de Marie, les sons qui frappaient son oreille, lui faisaient ressentir l'agonie de la terreur. Elle était seule, sans abri et sans compagnon. car elle était bien la compagne de Jean et de Madeleine, mais ils n'étaient pas des compagnons pour elle. Que naît-elle dans la solitude du désert, avec ses terreurs invisibles, bien plus aisée à supporter que cette multitude agitée d'hommes possédés du démon. Il la touche, il lui parle, il la coudoie. Remarquable par son manteau bleu, elle est poussée çà et là par les flots de cette foule qui se meut, comme un débris de naufrage sur les eaux sombres et troublées de la tempête. Elle est séparée de Jésus, qui va périr au milieu des vagues de ce peuple turbulent. Il est englouti, elle ne peut étendre la main pour le sauver. La mère des Maccabées contempla courageusement les pompes terribles, et le cruel apparat de l'iniquité légale, qui allait la priver de ses enfants. Son nom est, à juste titre, conservé dans l'histoire sacrée, et mieux encore dans les cœurs chrétiens. Mais, ses visages et ses cris, la terre ne vit jamais, ni n'entendit jamais rien de si terrible. Les créatures possédées du démon poursuivant de leur huer leur Dieu vaincu. Et, pour Marie, tout cela avait une réalité, une signification qu'il ne pouvait avoir pour nul autre. Assurément la souffrance de la crainte ne fut jamais éprouvée plus vivement qu'elle ne le fut alors par Marie, le jour du Vendredi Saint, et les nombreux calices qu'elle avait bu pendant la nuit précédente et toute cette matinée, la rendaient, suivant le cours ordinaire des choses, moins capable de résister à ce violent assaut de la terreur. Sa crainte avait bien moins elle-même pour objet que Jésus. La crainte de Marie, aussi bien que son amour, était dans le cœur de Jésus plutôt que dans le sien propre. La connaissance qu'elle avait de la divinité de Jésus ne faisait qu'accroître la terreur qu'elle éprouvait. En effet, c'était justement là ce qui empêchait l'horreur de cette scène d'être surpassée par aucune autre que le monde eût jamais vu, ou pu jamais voir. Le jour du jugement sera moins terrible que ne l'a été le Vendredi Saint. C'est même ce qu'il y eut d'horrible dans ce vendredi, qui rendra la pompe du dernier jugement si facile à endurer, si calme, si pleine de douce vénération. Mère chérie, ce dernier jour vous dédommagera de la terreur du jour actuel, car vous verrez votre Fils dans toute la paisible grandeur de sa gloire humaine, avec ses plaies rayonnantes, qui illumineront tout le globe de la terre étonnée, et vous reviendrez de la vallée de Josaphat avec une famille d'autres enfants qui ne peuvent se compter que par millions de millions, et qui seront dans le ciel votre éternelle possession, acquise par vous dans les terribles mystères de ce grand vendredi.